Aucun homme ne pouvait le faire. Amen. Je vivais avec quelqu'un dans la même maison, dans, comme si on était mariés. On a fait 10 ans ensemble. Nous sommes quittés, on a quitté le pays, on est venus ensemble, ici dans ce pays. Mmh. En fait, c'est ici que le Seigneur Jésus t'a visité. A visité. Mmh. Et dans ça, il disait séparé, mais je ne comprenais pas. Mmh. Le frère là, il était toujours derrière moi. Sœur Elisabeth, c'est pas toi. Il te persécutait avec la parole. Oh, le frère dit, tu es sûr, tu es sûr que c'est ton mari. Mmh. J'ai dit, ah, frère, il faut d'abord laisser la frère là. Mmh. La frère là, d'abord là, laisse d'abord la frère là. Jésus comprend. Mmh. Mais il fallait que Jésus puisse lui-même le brutaliser. Il m'a levé là-bas avec le brutaliser. Mmh. Parce que quoi, par là, il m'a enlevé là. Il fallait que Jésus. Mm-hmm. Aucun homme ne pouvait le faire. Mm-hmm. Il m'a enlevé là-bas avec force et brutalité. Sincèrement, mm-hmm. J'ai vu la mort de mes propres yeux. Mm-hmm. Lorsque je suis là, j'étais paralysé. J'étais pas parce que j'avais mon témoignage. Amen. J'étais paralysé parce que ça fait partie de Jésus. Il m'a enlevé de la mort et je devais parler de lui. Amen. Parle, ma soeur. Ouais, parle. Je devais parler de mon père. Et c'est ça. Parce qu'avant même que le Saint-Esprit, Jésus-Christ me visite, oui. J'étais une prostituée. Mm-hmm. Prostituée de long, quand on dit que grande prostituée là, mm-hmm. de long chemin. Mm-hmm. Je n'avais pas de vie, ma vie était sans espoir. Mm-hmm. Moi, j'étais lesbienne, j'ai sorti avec les femmes, mm-hmm. j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire dans ma vie, mm-hmm. j'ai fait trop de choses. Et c'est ça, en fait, parce qu'il faut pas l'être, j'étais lesbienne, je sortais avec les hommes, mm-hmm. je sortais avec les hommes n'importe comment. Oui. Tout ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent. Mmh. Même état au pays. Non, c'est pas au pays. Que ça se passait comme ça. Oui, mmh. c'est ici que Jésus qui m'a visité au Maroc. Mmh. Puisque quand même, avant de me dire que j'étais prostituée, mmh. je faisais la prostitution. Mmh. Et malgré que tu faisais la prostitution, comment quand tu rentrais le soir, tu dormais, comment était le cœur? Ça vient. Mmh. Qu'est-ce qui se passait quand je rentrais? J'ai passé toute ma vie à pleurer. Mmh. Pour qu'il te délivre de ça. Oui, je pleurais. Donc tu essaies de sortir. Il y avait quelque chose dedans de moi qui n'allait pas. Je me lamentais matin, midi, soir. Mais quand tu sors, tu mets le maquillage, personne ne sait comment tu souffres. Mais en tout cas, frère, laisse-moi parler d'abord. C'est mon affaire, frère. Parle. Voilà maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de sortir le soir, je pleurais. Mm. Je pleurais parce que je faisais le maraboutage. J'ai fait les sacrifices de mon temps. J'ai fait tout genre de sacrifices mm. pour avoir de l'argent. Mm. Parce qu'il fallait que quand je sors, parce qu'on m'appelait la fille à la peau de lune. Mm. Je croyais que j'étais très belle. Parce que quand je me levais, je disais, wow, oh, quelle belle femme. Mm. Mais pourtant, j'étais dans la mort. Mm. Mais il y avait quelque chose dedans de moi qui n'allait pas. Mm. À chaque fois que je veux sortir la nuit, je pleure. Mm. À chaque fois que je veux sortir la nuit, je pleure. Oui. Je pleurais. Sincèrement, je pleurais. Je dis, Seigneur, mais il y avait quelque chose. Sortir la nuit pour aller faire la position. Oui, pour aller prendre, je pleure à Dieu. Il dit, Seigneur, ce que je dois. Je pleurais, il y avait quelque chose qui n'allait pas dedans de moi. Mm-hmm. Parfois, je tombais même sur des autres personnalités qui me disaient, non, qu'est-ce que tu fais dehors? Mm-hmm. T'as vu les chiens. Même ceux-là qui font chercher les choses dehors. Oui. Eux-mêmes, ils t'évangélisent en disant que la position, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi. Oui. Parfois, je rencontrais les messieurs, ils me disaient, prends l'argent, va dormir. Je prends l'argent, je dis, toi, mais tu me racontes comme cela. Moi, je vais mon arrière, tu me parles, tu vas dormir. Je vais dormir, je n'ai pas dormi pour moi. Je prends encore, je pars dans une autre boîte, j'ai fait tous les boîtes de nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dormi dans les maisons où, quand c'était que pas les télécommandes. Oui. Tu sens que c'est le mauvais esprit. Oui. Tu n'as plus que les télécommandes. Oui. Donc, quand tu dors là-dedans, tout est en blanc. Mmh. Mais qui m'est sorti de ces maisons-là? J'ai sorti avec des francs-maçons. Wow. J'ai sorti avec tout genre de personnes. Mmh. Parfois, je suis couché sur le lit, dans l'hôtel, la même homme me dit, je ne sais pas ce qui m'empêche de te tuer. Mm-hmm. Il y a quelque chose en toi. Peut-être qu'il voulait te livrer en sacrifice, mais oui. Il n'a pas pu. Même quand je avant d'aller à la même homme, j'avais mon somme 23. Là, tu lisais la Bible. Oui, j'avais mon petit Nouveau Testament. Testament. C'était dans mon sac. Je monte et descends, la police m'a dit juste avec ça dans le sac. Oui. Chaque fois qu'on me rafle, je suis avec ça dans le sac. Oui. Avant d'aller avec un homme, je pars dans les toilettes, je prie Seigneur, détenez mon berger, je vais m'accueillir, Seigneur, protège-moi de cet homme, Seigneur, je ne le connais pas. Parce qu'il y avait des hommes qui avaient, il y avait des malades. J'ai sorti avec des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Oui. Parce que l'argent, je ne me fais plus rien. Mmh. Moi, je sais que pourquoi le Seigneur m'est pas fait passer par là. Oui. Je demande à des hommes qui avaient des malades et des malades d'argent. Mmh. Donc quand je dors là comme ça, il dit, Seigneur, avant d'aller avec lui, sur le lit, je pars d'aller prier. Mais je ne sais pas ce qui m'a amené d'avoir prié. Mm-hmm. Je vais aux toilettes. Tu fais quoi? Il dit, non, je me lave. Et pourtant, je ne me lave pas. Je prie d'abord. Mm-hmm. Et quand je vais en face, il me dit, mais je ne sais pas. Je voulais te faire du mal, mais je ne sais pas ce qui m'empêche de te faire du mal. Là, tu comprends que le Seigneur te veillait sur toi déjà. Oui, je comprenais déjà que le Seigneur veillait sur moi. Mm-hmm. Et c'est comme ça,

Mais ce qui te fait croire que c'est ta lettre avec quand le monsieur rentre. Oui. Il te parle tout. Mmh. Il te regarde, il dit, mais tu t'es pas servi de cet talent. C'est pour dire que tu n'es pas tombé dans le piège. Mmh. J'ai dit, mais mes servis, comment tu ne vas pas donner l'argent servi? Frère, l'argent est diabolique. Diabolique. N'importe qui peut avoir l'argent comme ça. Mmh. Et rester. Même si tu es en crise, oui. Tu seras attiré. Oui. Parce que si tu n'es pas vraiment, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te guider là. Oui. Tu vas tomber. Oui. Ce n'est pas le petit argent, hein. Quand on dit mallette, parce qu'il y a mallette et mallette d'argent. Mmh, mmh. Parce que je connais la différence des mallettes d'argent. Mmh. Parce que j'ai fréquenté ces hommes-là. Mmh. Il y a les mallettes que moi-même je forçais, je compose, moi-même je me lève la nuit comme ça, tu dors, je pète, je réfléchis, je cherche le code. Pendant le temps que tu tapes le code, je guette. Mmh. Ah oui? Pendant qu'il fait son code, tu sais. Oui, je guette. Avec tes yeux pour arrêter le code dans la table. Oui. Pendant qu'il dort maintenant. Il dort, je prends la main, je sors, je. Je ferme parfois, quand je sors, je ferme pas la porte bien. Parfois, je pars avec les clés. Tu pars, tu jettes la clé. Parce que je suis là, il ne faut pas qu'on m'attrape. Mm-hmm. Parce que si tu sors, là, tu vas donner la lettre. Oui, je disparais. Et quand je vole comme ça, il peut me faire deux semaines sans sortir. Tu es à la maison. Je cherche lui, je suis là. Je me cache. Mais il y a beaucoup de filles qui sont mortes dans ça. On les envoie, les tuer. Oui, parce qu'il y a les hommes, quand les autres personnalités, ils envoient la police. Maintenant, il y a le RAF, maintenant, dans toute la vie. Mm-hmm. Mais on comprend, là, quand il y a le RAF, on croit que c'est parce que... Non, il vient dans les hôtels. Hein. Oui. Il vient, il dit que non, j'ai dormi avec telle fille comme ça, comme ça. Les filles, on la connaît. Oui. Est-ce que vous remarquez, vous connaissez? Oui. On dit, on la connaît, oui, la costaud, la fille, basta, là, oui. C'est comme ça. Mais fait deux mois, étape, viens silencieusement, deux semaines sans dormir. Tu ne mets plus les pieds dans les deux. Oui, bien celle que je connais, j'appelle. C'est comment? Comment c'est grave. Mm-hmm. Moi, je sais que j'ai volé. Et pour voler ces hommes-là, mm-hmm. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est pas comme ça. Ou bien tu le fais sous le whisky. Et tout cet argent-là, quand tu le volais, que fais-tu avec cela? C'est là, on va dans la véritable qui est son frère. Mm-hmm. C'est l'argent mal, c'est l'argent puissant. Tu ne peux jamais progresser. Tu ne peux jamais progresser dans ça. Mmh. Tu es quand on te donne l'argent, tu l'as le matin. Mmh. Tu as la joie. De voir l'argent comme ça. Tu quand tu rentres, tu combien? Maman, tu sais que tu attends comme ça ici. Le jour que tu n'as pas de client, tu te fâches. Parce qu'on les appelle les clients. Mmh. Le jour que tu n'as pas les clients, tu te fâches. Mmh. Hein? Quand tu vas 4, 5 heures. Tu n'as pas un client. Mmh. Mais non, il faut créer le client. Non, il faut créer. Non, vers où tu es assis là. Oui. Tu vois le jour arriver. Non. Il faut créer les amis. Non, en même temps là, il faut. Dans ce cas, quelle est la stratégie par exemple que vous adoptiez? Qu'on adopte. Mmh. Tu vois, elle est très en colère. Oui. Elle ne rit plus. Oui. Tu passes un peu la petite la bagarre. Et dans ce circonstance, comment tu fais donc pour avoir le client? C'est-à-dire que les clients sont là. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Je suis un gars partout, parce que c'est là où les voix de nuit sont en train de 5h, 6h là, parce qu'elle voit les nuits qui ferment à midi. Oui. Mmh? Mmh. Parce que tellement le week-end, on ne sera même pas qu'on midi. Mmh. Ça te supplie. Mmh. Hein? Tu comprends que c'est le diable. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu as dit, mais si on est partout, comment? Tu vois, quand tu vois là, quand tu rentres, non, machin, tu vois un qui tombe comme ça. Sa façon de parler là, tu sens qu'il est sous. Mm-hmm. Non, tu le récupères, tu tiens la mère. Quoi, il faut bien t'aider de chérie. Tu dis, oh, mon bébé, oui. Il n'y a pas Dieu comme toi, mais tu es le plus beau. La prostituée, elle est parole, hein. Mm. Elle est parole, hein. Mais pour séduire l'homme ici, elle ne rit pas. Je te dis que tu es inspiré par le démon. Mm. Donc, quand tu donnes la parole adéquate au moment où elle est adéquate, ce n'est pas de gauche à droite. Quand tu vois le soulant entre, tu sais que. Celui-ci, il a un barouche, mais il a l'argent. Mm-hmm. Tu sais. Mm-hmm. Tu n'as... Parce que oh, là, le mot, celui qui est très beau là, on réfléchit trop. Mm-hmm. Mais celui qui entre là, on le guette bien, on dit, tu te guettes, on dit, il se cache. Non, il parle bien, tu joues, ils sont sur un angle là. Mm-hmm. C'est l'angle là que tu pars entrer. Mm-hmm. Tu le tiens là. Tu le saisis là. Non, il ne te fait pas entrer. Mmh. Jamais, parce que c'est un cercle. Quand tu as récupéré ton œuf, ton poule, ton corps, tu protèges. Et la prostitution, c'est ça. Hein. Ce n'est pas ce qu'on fait la prostitution. Et là, il y avait la guerre entre vous-même et les prostituées. Les prostituées. Les guerres des territoires. Oui, les guerres des territoires. Parce que quand tu as donné, voilà un gros poisson qui est entré, mais tout le monde regarde le gros poisson. Ou bien voilà un blanc qui a beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu as pris ce blanc-là?

Et comment tu as fait pour t'en sortir, Parce que là, nous sommes à l'aurore. Je sais maintenant, non. La femme est là, tu sais. Mais la femme avait un pressentiment parce que j'entendais parler. Elle est partie dans le chat, elle fouille. Elle dit, il y a quelque chose qui ne se passe chez moi. Elle fouille, elle parle, elle crie sur son mari. Qu'est-ce que tu as en train de faire? C'est comme si son mari lui dit, mais tu es venu en dernier, mais c'est ma maison. Ils n'ont pas de discuter, mais j'entendais frère. Je ne pouvais pas faire. Le placard, tu sais, comme je suis grand, était un frère. S'il y avait un serpent là-bas qui brûlait là-bas, c'est que le serpent. Mais j'étais là comme ça, coincé, regardez ma taille. Coincé, je ne respirais pas. J'allais mourir. Un moment, il a tout fait la frapper sa femme, parce que j'entendais tout. Lui aussi, mes affaires, mon sac, mon fourre, parce qu'il y a des postures, moi, j'avais les fourches, parce que je peux protéger, frère. Et avant, là, je m'achète, j'avais les gros sacs. C'est que toi-même, tu ne suis même pas d'abord dans la case, avec ton sac qui est gros aussi. Tout ça. Mais là, quand sa femme a tenu la chatte, il m'a fait sortir. Il a fermé la dans sa chambre. Nous voici maintenant que course n'est pas course. Avec les talons. Avec, non, j'ai. Non. Attends, tu as deux talons. Il y a deux chaussures. Oui. Tu as notre tenue de l'échange. Oui. Pour les cas difficiles. Pour les cas difficiles. Si le matin tu te trouves dans un hôtel. Tu ne sors pas comme ça. Non. Peut-être tu as ton cas. Oui. Tu jettes tout toi. Oui. Hein? Parfois tu oublies, ma femme, moi, famille, j'oubliais souvent. Mais les temps. Taxis qui sont dans l'hôtel là, en même temps, ils me portent plus de maison. Parce qu'ils sont venus. Au même point. Mais elles aiment ça, mais non. Ils savent que les professeurs ont dit comment ils sont contents. Et cet homme-là, vous ne pouvez jamais vu. Non, je l'ai dit, mon papa. Pardon, cherche-toi. Que tu fais des missions difficiles. Que des travaux toi, comme là. Ça. Il a tout fait. Regarde l'homme. Tu vois comment l'homme est. Il est encore derrière toi. Après, même après cet événement. Donc tu comprends que les prostituées ne sont pas en sécurité. Elles n'ont pas cette sécurité. Il n'y a pas Jésus. Il n'y a rien qui les sécurise. Parfois tu fais des prières, mais je dis vraiment, même dans cette détresse, dans ce malheur, parce que c'est un malheur. La pollution, c'est un malheur, c'est une malédiction. C'est une malédiction, tu ne sais pas avec qui tu vas. C'est beaucoup de tes compatriotes et celles qui étaient beaucoup dans ton emploi sont décédées comme ça. Devant moi, ce n'est pas comme ça. Là, c'est en enfer que c'est. Ce n'est pas en enfer. Beaucoup. Il y a d'autres, mais il y a eux-mêmes qui étaient sacrifiés dans la haute autorité. Comment ça? Dans les filles qu'on entend souvent dans le pays où on a c'est pas faux. Ces personnes. C'est pas faux. On a nommé le Logan. Oui, un diplomate burkinabé. Oui. Il est venu par l'hôtel, l'hôtel Marcel. Oui. Il a fait parce que quand il est venu, ils font un an. Un sortant de lui, il donnait l'argent, il a acheté le terrain, une maison. Elle avait sa seule fille, elle est partie prendre sa fille chez son maman. Elle a initié même sa fille dans la prostitution avant de mourir. Vous dites que ceci donne l'argent. Oui. Une petite fille. Une belle petite fille. C'est l'héritage qu'elle a laissé à sa fille. Quand je m'assois, je dis, oh Seigneur. Comment ça s'est passé avec elle pour qu'elle soit sacrifiée? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand le monsieur est parti, le monsieur lui a donné tous les coordonnées. Dès que le monsieur donc, dès que j'arrive, nous serons toujours en contact. Mais elle se rend compte que quand elle appelle le monsieur, le numéro, aucun de ses répondeurs. Donc le monsieur avait fini avec lui. Non, il avait fini sa mission. Dans un an qu'elle a mangé, c'était sa paix. C'était sa vie déjà. Qui était sacrifiée. Et c'est comme elle s'appelle Matumba, la femme Matumba là, c'est comme ça que la fille commence à être maigrie. On ne sait pas pourquoi maigrie. Les gens se souvenaient même qu'elle avait le VIH parce qu'elle va prostituer, c'est ça. Comme elle vendait les genoux dans un autre hôtel, elle avait une cuisse de genoux. Elle vendait les genoux, elle vendait les turs. Elle s'est rebrouillée sur les épaules, mais aussi. Et c'est comme ça qu'elle a vu ses collègues, elle dit, ah, depuis où moi j'appelle votre collègue, comment il est même. Mais il est là, mais la fille est étonnée. Il est sidéré. Dit, mais comment il est encore payé? Non, il est à Burkina. Mais comment je l'appelle? Voilà le numéro. Il dit, mais comment? Mais depuis qu'il est parti, mais ils sont eux-mêmes sont surpris que, mais eux-mêmes se connaissent. Ils sont surpris comment? C'est les mêmes diplômes. C'est maintenant la pauvre Matouba commence à être malade. Malade. C'est comme ça qu'elle marche. Maintenant, elle marche. Elle monte et descend. Elle se rend compte que. C'est le monsieur qui l'avait sacrifié. Donc tout ce qu'elle avait fait, la fleur de sa vie a été suscité. Oui, tout suscité. Si tu la voyais,

J'ai dit au secours, Seigneur. Cet homme est venu me tuer. Mm-hmm. Il a dit qu'il est venu me tuer. Là, tu n'as pas resté le son 23. Ça, c'est non, une prière. Non, je n'étais plus. Ça venait, puis ça sortait au fond du monde. Oui. Il dit, Seigneur, il a proclamé qu'il est malade. Il dit qu'il est malade, qu'il est venu me tuer. Mm-hmm. Regarde comment je suis. Depuis que je souffre dans ma vie, c'est ce qui me mérite aujourd'hui. J'ai quitté ma mère. Je n'ai pas fui ma mère. Mm-hmm. Marie m'a dit au revoir. Mm-hmm. Mais pourquoi je juge me porter la maladie? Tu sais pourquoi je suis sorti. Seigneur, c'est comme ça, je n'ai pas le temps. Ils ont dit, la vidéo, les filles tombaient sur lui. Parce que c'est comme ça. Mm-hmm. Les filles sont tombées sur lui. Non, non, non, en même temps. Les coups de pont là, ça ne va pas. On te chicote bien. Moi, j'étais là, j'avais mon problème. Mm-hmm. Les filles disent, calme-toi. Mm-hmm. Stéphane, calme-toi. Je vais te le raconter. J'étais en relation avec un Camerounais, un Niger. Et vraiment, il voulait d'abord qu'on soit dans un régime. Non, non, moi, je ne veux pas ta relation. Mm-hmm. Moi, j'étais comme ça, je ne veux pas ta relation. Il ne m'a dit. D'abord, quand il sortait, je n'aimais pas les Camerounais. Mm-hmm. C'était ma devise même. Mm-hmm. Je ne veux pas les Camerounais. Mm-hmm. Et c'était parce que déjà j'avais un Camerounais. Mm-hmm. Donc, je ne voulais pas le salir. Mm-hmm. Je ne voulais pas le salir. Là, il était en Égypte. Mm-hmm. La seule fois qu'on s'est séparé, c'est quand il est parti en Égypte. Mm-hmm. C'est comme ça. Quand il est parti en Égypte, il était au Mali. Il a tout fait pour que je parte en Égypte, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Je suis parti à Dakar, j'ai fait tous ces pays-là, mm-hmm. toute seule. Je suis parti en Gambie, toute seule. Je suis parti, j'ai fait tous ces pays-là, tout. Toujours dans la prostitution. Dans la prostitution. Dans la prostitution. Dans la prostitution. C'est comme ça. Et le monsieur, quand il est sorti, c'est comme ça qu'il est parti. Et très tôt le matin, parce que le monsieur, son papa était haute personnalité du Niger, oui. Ce monsieur-là. Mm-hmm. Lui aussi, il fait parfois des émissions par rapport au VIH mm-hmm. dans les chaînes. Qui ça, son papa? Le monsieur-là aussi, le monsieur qui a sorti avec moi. Il fait des émissions pour expliquer le VIH. Oui, le VIH, c'est comme ça, sa sensibilité. Pourtant, lui, il est malade, non? Il fait les émissions. Oui. Oui. C'est comme ça, j'appelle le monsieur à 6 heures. Oui. Mais j'ai pas dormi. J'ai dit la fin là, Seigneur, si tu es créateur, c'est toi qui m'as créé. Oui. Vraiment, c'était pas le son 23. C'est plus le son 23. La cité est prière inspirée. J'ai dit, Père, depuis que je suis dans le bas de ma mère, je souffre. Mm-hmm. J'espère que ce n'est pas ce que tu as réservé pour moi. Mm-hmm. Ce monsieur m'a dit qu'il m'a tué. Si tu es Dieu, mm-hmm. il faut que tu te révèles à moi. Mm-hmm. J'ai déjà trop souffert dans ma vie. Il m'a dit qu'il m'a tué. Cette maladie, toi, tu connais cette maladie. Mm-hmm. Si je suis malade de Dieu. Mais ma pauvre mère va mourir. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai prié. 6 heures, j'ai appelé le téléphone. Il me dit, comment il a appelé ma fille? Il dit, oui, mon papa, tonton. Ah, voilà, monsieur. Il me dit, je le connais très bien. Attends, là, tu appelles qui? Un monsieur que j'avais rencontré. Il me plaît comme sa fille. Bon, il voulait qu'on soit ensemble, mais je ne voulais pas. Mmh. Il dit, tu es marié, je ne veux pas. Comme c'était un Camerounais, je ne veux pas. Mmh. Pas. C'est comme ça que je l'ai appelé très tôt. J'ai pris le taxi. Il me dit, là, pour moi, tu es là, je suis là, j'ai une soeur qui était dans. Qui est une seule là-bas, Camerounaise, qui est aussi avec Camerounais. Mm-hmm. Actuellement, ils sont rentrés. Mm-hmm. Je suis partie vers son quartier, je l'ai appelée. Elle me dit, c'est comment ma fille, maman, si tu me voyais, j'avais perdu. Donc, en quelques minutes, j'ai perdu. J'ai maigri. Oui. J'ai fondu. Mm-hmm. J'ai dit, c'est quelqu'un qui était là face à face, il dit, tu m'étais donné le sida. Non. Tu comprends, c'est un satanique. Mm-hmm. C'est comme ça que je suis quitté. Il est venu me rencontrer, il me dit, ma fille, tu as quoi? Il dit, ah, papa. Elle me dit, je connais ce monsieur, il est malade. Tout le monde le connaissait sauf toi. Quelle épreuve. Je sens de quelque part. Ce n'est pas quelque part qu'on parle que peut-être je me suis levé rencontrer le Seigneur. Mm-hmm. Moi, là, le Seigneur, il m'a touché vraiment. Mm-hmm. Je sais pourquoi je parle. Mm-hmm. On va arriver au niveau de ta conversion, à quel niveau de conversion. Et là, quand tu vois celui-là, il dit quoi? C'est comme, il me dit que non, le monsieur malade, je le connais. Mm-hmm. Il fait même les chaînes pour la transpiration du VIH et tout. Là, il te confirme vraiment qu'il est malade. Et là, ça te casse. Ma tête jette l'air en route là. Mm-hmm. Il dit, waouh. Parce que lui, il était connu au Niger. Oui. Donc, si tu voulais quelque chose, je l'appelle, il me dit, si il me dit que c'est ça, c'est ça. Oui. Ce monsieur-là. Mm-hmm. Je suis allé faire deux tests le jour-là. Mm-hmm. Quand les médecins me voyaient, ils comprenaient que la femme n'avait pas fui, là, un problème. Mm-hmm. J'étais enragé. Je mm-hmm. suis parti faire le premier test avec lui. Mm-hmm. Non, seul d'abord. Mm-hmm. Je pense. J'étais avec lui bien. Je suis allé partir faire le premier test dans la clinique, mm-hmm. à l'autre au centre. Mm-hmm. Les deux tests, quand le médecin m'a fait entrer dans la clinique, mm-hmm. lui-même, il me regardait comme si c'est quelqu'un qui a perdu le cerveau. Mm-hmm. Il m'a dit, vas-y, vous voulez quoi? Je suis venu faire le test du VIH. Donc, vous devez me dire si oui ou non, je suis malade ici. Ah, mais j'avais un courage.

C'est-à-dire que d'un ministre, par exemple, tu as eu combien de semaines? Ce sont quand même les gens qui touchent de l'argent. Frère, je vais te dire ce secret. C'est qui donne beaucoup l'argent? C'est le ministre qui ne donne pas beaucoup l'argent quand même. Les ministres? Ok. Ils sont trop pinks. Ils sont trop bavards. Ou bien peut-être... Si tu vois un ministre commence à donner l'argent à une femme, il faut bien regarder. C'est-à-dire que tu as commencé à être sa copine, il est en train de soutenir quelque chose. Mais les choses que pour un temps, il ne compte pas. Il va te donner une énorme somme. Tu penses que tu vas avec un ministre, il va te donner combien par rapport à une autre personne. Donc tes plus grands clients donc venaient de quelle couche? Des hommes d'affaires? Des hommes, oui, les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, oui, mais... D'affaires, oui, les blancs aussi. Oui. Les blancs aussi. Et les hommes aussi, bon. Un peu partout. Waouh. Donc, tu fuis le Cameroun pour aller en aventure. Donc, j'ai fait étape par l'Afrique. Je ne suis pas arrivé directement. Oui. Tu premier étape après le Cameroun, c'est où? Cotonou. Cotonou au Bénin. Le siège des vaudous et de tous les autres mauvais vaudous et des mauvaises choses. Ils sont partis faire les sacrifices avec les bœufs. Oui. Avec les passeports. Oui. Frère. Là, tu le rencontres. Je ne rentre pas maintenant dans le territoire même vaudou même. Frère, si tu n'attaques pas les gens là, ils ne vont pas te faire le vaudou. Ça, c'est une vérité. Raconte-moi. Si tu ne vas pas dans les territoires, ils ne vont pas te faire le vaudou. J'ai commencé là. Entre nous. Papa, on va le faire. Je partais dans les points de vue là-bas. Je fréquentais là-bas. Tu avais déjà tes stratégies, tu connaissais déjà. Non, quand j'arrive dans un pays frère, même lui là, il faut que je visite le territoire. Tu passes sur le territoire? Non, en même temps, il faut que le taxi me fasse sur le territoire. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu blâmer, je ne suis pas venu dormir. Il faut que je connaisse déjà où la bonne ennemie se trouve, où tel type se trouve, où tel endroit se trouve. Où il y a les grandes personnalités, entre eux, il faut que je connaisse. En détail, tu causes le tassement pendant que vous visitez. Non, je cause avec lui, il me dit. Tu prends son numéro. Tu prends son numéro comme ça, oui, il y a un besoin, tu l'appelles. Quand tu connais à toi-même, tu le zappes le tassement, tu comprends que c'est un menteur, il veut venir t'escroquer. Et t'appelles, mais tu n'es plus avec lui. Je connais à la ville, frère, laisse-moi. C'est bon comme ça. Oui. Je connais à le territoire. Donc c'est comme ça maintenant, tant que tu prends maintenant. Là, à ton côté, comment tu peux faire pour t'en sortir avec les femmes vaudouans qui sont pleines dans la sorcellerie? Oui, parce que les nanas baissent là, ce sont des femmes qui travaillent plus sur le Bénin. Les manies ne font rien. Tu les vois avec les grosses voitures là, ils ne font rien. C'est les femmes qui font tout. Tu vois les grosses, les grands Donc, là. Oui. Ce sont elles. Quand tu arrives, elles sont assises là. Mais utilisant l'esprit des sorcelleries. L'esprit des sorcelleries. Pour avoir de l'argent, avoir la notoriété, être imposante. Mais c'est sans être dans l'argent imposant pour un mari. Oui. Parce que le mari aime le dehors. Oui. Ce n'est pas. Mais à Cotonou, oui. C'est plus les étrangers qui donnent la nos femmes. Les étrangers. C'est pas les béninois. Les gens de la fille de l'Ouest, c'est pas comme ça. Il faut partir par pays que tu vas connaître les règles. Les béninois, ils ne donnent pas l'argent aux femmes. Oui. Parce que ce sont les hommes, les femmes qui travaillent pour eux. Oui. Mais ce sont les étrangers qui quittent d'elles pour venir. Oui. Qui donne l'argent. Ok. Et maintenant, quand les béninois qui sont mariés, quand les femmes leur donnent l'argent, eux aussi sont venus par les femmes. Non, ils sont mariés, ils prennent les grosses voitures à l'année, je crois qu'ils sont des gens. Oui. Ils ont rien. Alors que c'est les femmes qui donnent l'argent. Parce que les filles, elles-mêmes te disent. Parce qu'il faut être en rapport avec ces filles. Quand tu arrives, tu ne peux pas faire ça. Pour connaître le territoire. Oui. Elles-mêmes te disent que non, chef de l'université, c'est un menteur, c'est un bandit. Non, ça va plus le mourir. Tu connais parce qu'elles sont. Tu sais aller là-bas. Non. Si tu t'appelles, il ne faut pas t'approcher. Tout l'argent qui dépend de sa femme. Toi, la femme va te donner quoi? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton métier, dans ton ancien métier? Le frère, les difficultés, ceux qui me tapaient. J'ai fini avec lui, il me tape. Le balancer sur les escaliers en plein jour matin. Tu le maudis comme ça là, que tu vas voir. Même le génie ne bouge pas. Il faut venir se parler. Et c'est pour ça que les filles, elles prennent l'initiative de faire quoi? Les prostituées là, quand l'homme n'a pas de protège pour aller, elle t'amène où elle connaît. Parce que c'est comme on là-bas, on peut la protéger. Si elle part ou avec quelqu'un, lui te dit qu'il va le tuer. On vous connaît déjà. Les jeteurs là. Parce qu'on appelle tout homme qui n'a pas l'argent. Jeteur. Donc c'est comme ça. Donc on t'amène. Moi maintenant, je t'amène là où je connais. Parce que là-bas, si j'ai plus la laisse, ceux-là vont venir. En même temps, tu vas sortir l'argent.

Le plus, c'est pour quitter le pour aller ailleurs, parce que le pasteur guinéen, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait là, c'est pour toujours aller ailleurs. Oui. Puisque si je quitte ici, si je quitte le Mali pour aller à Dakar, oui. C'est ça que je présentais. Oui. Parce qu'il y a la libre circulation à, oui. À partir de là. Je dois présenter ça. Je n'ai pas un ami, je dois présenter ça. Et là, tu as quand même pu rouler avec cela. Oui, je roulais. Mais qu'est-ce qui a causé le problème maintenant pour pouvoir aller en Europe donc, pour que tu te retrouves ici? Voilà, bonne question. Tous ces tours-là, une seule personne, tous ces tours-là, ils étaient là-bas. Quand ils sont maintenant en prison, parce qu'à un moment, on avait kidnappé. On l'a kidnappé. Qui? L'autorité? Non. Ils partaient prendre l'argent, on l'a kidnappé. Le kidnapping là-bas en Égypte. Oui. Au moment où on ne les voyait plus. Le retour. On vous enchaîne dans une maison. On vous enchaîne dans une maison, personne ne vous voit. Et maintenant, le président de Cameroun a commencé, on a commencé à les chercher. Maintenant, on m'envoie la nouvelle que, assurément, il est mort. Il dit, ma part est venue. La vie qu'elle cherche là, ma vie là, me cherche aussi. Là, j'étais à Dakar, la nouvelle me vient comme ça. Maintenant, ça m'a encore donné. J'étais encore révolté jusqu'à. Que je vais sauf que partir. L'affaire là. C'est comme ça que commencé encore, même là-bas, Dakar, je faisais la prostitution. Je faisais la prostitution. Au Sénégal. Dans ma tête, oui. Je ne pas toujours passer la prostitution. Donc, dans ma tête, c'était que, comme je n'ai pas les nouvelles, parce que ça fait des mois et moi, je n'en avais pas les nouvelles, le kidnapping, c'est comme ça. Oui. Tu ne sais pas si tu vas s'en sortir. Tout le monde savait qu'il était mort. Un jour, donc, j'ai les nouvelles que, ils sont vivants, mais ils sont en prison. Parce que là-bas, quand tu tombes en prison, quand vous partez, quand vous sortez directement à l'aéroport, on vous expulse du pays. Non, non, non. Directement, vous passez à l'aéroport. Et il a fait combien d'années en prison? Il a fait presque un an. Un an. Après ça, maintenant, étant avec le passeport guinéen, on l'a expulsé où? En Guinée, mais il est sorti ici. Ici au Maroc. Mais donc, c'était un peu mal avant, non? C'est la technique, frère. Oui. Parce que dans le vol avec l'escale ici. Il est sorti. Il dit, au Maroc. Je ne suis même pas au Guinée. Il dit, ma mère, dès que je suis arrivé, j'ai fait transaction un tour, je suis arrêté à Dio. Ils savent comment ils font, non? Avant. Parce que ce n'était pas ici qu'ils devaient descendre. Oui. Donc, quand par grâce. Scale. L'escale est venue au Maroc. Même. Il a dit que merci beaucoup. Il a dit, j'étais là-bas en Guinée, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Avec la guerre qui est en Guinée là-bas. Je vais expliquer quoi en Guinée pour t'inquiéter là-bas. Je ne suis pas guinéen. Et c'est vrai, parce que quand on voit les Guinéens, c'est qu'ils sont les Guinéens. Oui. Mais je ne suis pas guinéen. C'est dès qu'il a fait, en fait, ça a même pas été sorti. Et s'il est entré en Guinée, il fait la prison. Oui. Il est en prison. Non, en même temps. On ne le sortait plus. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. Là, j'étais déjà au Niger. Il m'appelait, dit, maman. Je suis au Maroc. Je suis au Maroc. Dit, c'était à l'aéroport de Casablanca, bien des. Casablanca. Il a fait comment pour sortir de cet aéroport là? Mais lui-même dit qu'il ne sait pas combien de soucis à l'aéroport. Parce qu'il n'est pas sorti ici. Parce que si l'avion atterrit sur le tarmac, il y a des gens qui sont. Il n'était pas sorti ici. Ce n'était pas son axe. Ce n'était pas ici. C'était en Guinée. Il dit que, mais j'ai déposé l'affaire à terre. Il dit que si on n'est pas là-bas, la prison qu'il est faite là-bas, il ne sait pas s'il veut sortir. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est faux. Tu n'es pas guinéen. Et quand même, il m'appelle, il me dit, maman, je suis au Maroc. Je dis, comment au Maroc? Il a dit, l'itinéraire a changé. Il dit, quand la gloire fait ce qu'il m'a expliqué, j'ai fait comment il faut, comme je me suis retrouvé dehors. C'est comme ça. Là, j'étais déjà au Niger. Le Niger, maintenant que je prends le vol pour ici. Tu es allé, ok, direction maintenant. Oui. Maroc. Oui, j'ai pris le vol avec le passeport là. J'avais payé le ticket, je suis venu ici. Parce que là encore, avec le passeport guinéen, vous pouvez. Non, je peux venir ici. Ça passe. Oui. Ça passe. Oui. Ça passe. On a plus de raison. Ça passe. Ça passe. Quand les guinéens sont venus. Ok. Ça passe. Et ici, donc, est-ce qu'il y a eu des cas de la prostitution? Enfin, quand tu es venu ici, normalement, tu as aussi fait la prostitution. Quand je suis venu ici. Oui. Merci, frère, parce que tu as posé cette question. Quand je suis venu ici, parce que tu sais. Dans la vie, là, le Seigneur, ça a été vrai. Moi, aujourd'hui, là, j'ai dit au Seigneur, mourir, c'est mourir. Et je suis venu ici. J'avais encore cet esprit, je ne connaissais pas moi le Seigneur. J'avais encore cet esprit de prostitution. Oui. À moi, est-ce que j'étais délivré? J'étais vraiment délivré. Et quand je suis ici, là, même ici, j'ai sorti avec les Marocains.

que tu es une fille bassa, non seulement fille bassa, mais bombok. C'est comme ça que c'est aussi banal pour moi aussi. Oui. Donc, je ne sais pas les coups de pont au Cameroun. Chacun avec sa dose. Oui. Donc, c'est comme ça, mon Bénin aussi, on arrive, il veut aussi me prendre. Pour te prendre comme tu as une nouvelle vie. Il dit, ah, donc moi, il souffre. Il souffre. Il a Dorita, vous venez prendre. Comme c'est quelqu'un qui est tellement naturellement fort, il les boxe bien. Il s'est calme. Donc, c'est comme ça, donc, ici, au Maroc, c'est comme. Vous cherchez dans l'église pour aller prier. C'est comme ça au fin de nous, on lui dit que non, on ne veut pas l'église catholique. Il nous a dit que maintenant la nuit, ça nous le fait celui parce qu'il connaît, il connaît le début de notre conversion, il connaît tout. C'est comme ça qu'on arrive au dimanche là. On est là, on prie Dieu, on chante. C'est comme ça donc que j'ai commencé un peu. Après un moment, il dit, votre Jésus là, il faut me laisser avec ça. Ça veut le fruit. Ça le fera aussi. J'ai planté encore, je ne m'arrête rien. Le frère alors que c'est lui que tu as invoqué chaque jour, que frère, non, Seigneur, non, on veut lui donner le sida. C'était pas le moment. Tu sais quand c'est pas le moment là. C'est comme ça qu'il est parti. Il veut seulement que tu vois. Lui aussi, il veut lui donner les enseignements, mais là, il lui donne les enseignements. Il était là, il lui donne les enseignements. C'est comme ça qu'il y a un moment, il dit au frère que tu sais, parce qu'on vivait dans la maison. Votre Jésus là. Il veut plus. Jésus là. Il veut comment il pleure là. Est-ce qu'il est où? Comme ça, il dit, il se parle aussi, il pense qu'il se prenait chez lui. C'est comme ça aussi. Dans le secret, eux aussi faisaient le travail. Il était bombardé la prière. Un jour. Oui. Yes. C'est un seul jour. Dieu là, il ne touche pas deux fois. J'étais couché comme ça. Je me lève le matin, mon mère. Je lui dis là-bas que je serai la première à aller au culte. Il me dit, ah. Il me dit quoi, maman? Ce frère, 5 heures, j'étais à debout. J'étais pressé. Il me dit, c'est comment? Je vais aller chercher Jésus. Oh Dieu, c'est mon œuvre de Jésus aujourd'hui, là, c'est mon tour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, je ressentais quelque chose en moi que je n'ai jamais senti dans ma vie. Je lui ai dit, je m'en veux que. Il me dit, il était étonné. Parce que quand il méditait sa parole, il ne me répondait pas. Que fais ta parole? Quand je finis, d'abord, il était agressif. Quand tu finis, il ne faut pas m'appeler. C'est comme ça qu'on a commencé. Le frère aussi, maintenant, le voilà. Non, avant même que le Seigneur me touche, avant que le Seigneur me touche, on peut avoir le passé, frère. On veut faire jeûne de 3 jours à 7. Oui. Et nous devons juste donner rendez-vous là-bas. Le frère, si je ne connaissais pas. On allait avec le frère, nous on avait fait le plan avec Ferdinand. Il me dit que comme il m'appelait, mais qui m'a. Tu vois, non, on ne peut pas perdre le temps, si je peux perdre le temps. Et quoi qu'on est là, il venait en brosse au Maroc, mais c'est comme eux, qui reste ici. Dans l'église, nous, on ne laisse pas vous partir. On est venu pour s'asseoir, écouter la parole ici. Jésus, c'est devant, non, devant là, on va partir. Quand on arrive maintenant là, on avait fait tout le temps. On va faire 3 jours ici, je n'ai pas pour posséder le territoire. Que posséder le territoire? Donc, par exemple, quand on donne le jeûne, vous avez votre objectif dans le jeûne. Non, c'est nous, c'est pas lui. C'est vous qui avez fixé le jeûne. On est venu dire au frère. Parce que le frère nous avait donné avec le frère et l'évangéliste et l'évangile. Oui. La Fanelle. Le frère ne connaissait pas eux. On arrive maintenant, c'était dans l'après-midi. Oui. Il commence à me poser la question que mais vous sortez lui. Parce qu'ils nous avaient jamais vu, c'est normal. Oui. Je sais comment ça s'est passé, machin. Chacun répondait à son tour. Oui. Moi, on a dit maintenant que non, on prend le jeûne de. 3 jours. Pour posséder le territoire. Bon, l'expression posséder le territoire que vous disiez, c'est vous. C'est pas pour Jésus. Attends, c'est ça qui vous pensez, vous deux là, celles qui comprenaient votre territoire. Non, le frère ne comprenait pas. Mais il fallait que le Jésus vous aide à posséder votre territoire selon votre manière. Oui. Parce que explique-nous notre état. Explique-nous bien. Tu comprends, non? Le frère ne comprenait pas. C'est bien après que le frère a compris, vous comprenez le rôle de la mission qui est venu faire à l'histoire. On partait là-bas, mais on ne partait pas pour Jésus. Et durant ces 3 jours de jeûne, vous avez prié quoi? Vous avez dit quoi à Dieu? Moi, juste pour ajouter dans ce cadre, quand ils sont venus me voir, ils disent, on veut posséder le territoire. Je vous voulez posséder. Moi, j'ai dit que de toute façon, votre jeûne que vous voulez faire, c'est pas un bon jeûne. Parce qu'ils voulaient que je les accompagne. Dans le jeûne, que tu jeûnes aussi pour les accompagner. Jeûne pour les accompagner. Mais je leur ai dit non, moi... Je ne peux pas vous accompagner pour venir posséder le territoire. J'avais compris un peu ce que j'étais en train de vouloir dire. Parce que je voyais les. Connaissez aussi la mentalité des Camerounais. Connaissez la mentalité. Je vais regarder. Bien sûr, si quand tu me dis posséder le territoire, sûrement qu'ils sont en train de préparer une frappe. Ils vont sûrement faire quelque chose. Bon, ils veulent frapper le pasteur. Voilà. Donc,

Et ce n'est pas ton vrai numéro que tu utilises. Mm-hmm. Tu peux utiliser un numéro du Mali. Mm-hmm. Tu peux utiliser un numéro du Burkina. Mm-hmm. Mais dans toutes ces zones-là, il y a les numéros spécifiques qui passent vite. Mm-hmm. On n'utilise pas n'importe quel numéro. Oui. On peut connaître la saison si là, c'est la France. Mm-hmm. qui a la une. Oui. C'est les numéros-là qu'ils utilisent. Ils font comment pour posséder ces numéros? Après, mais il y a des gens pour ça qui envoient. Donc dans tous les stades, il y a des ramifications. Oui, il y a des réseaux. Banaloba. Mm-hmm. Il y a les réseaux. Et si tu as quelqu'un là-bas en bas qui peut t'envoyer les unités, t'envoie les unités. Pour charger cela. Pour charger. Oui, donc maintenant, donc tu es assis face à nous. Mm-hmm. Déjà, comment le rendez-vous a pu. Quel est le but de la réunion des. Le but du rendez-vous, c'est quoi? Oui. Lui, mm-hmm. il vient en vérité. Oui. Toi, tu es venu pour mentir. Oui. Pour le tuer. Oui. Prendre ce qu'il a. Détruire, mais et là, celui qui est de l'autre côté là, qui veut le tuer, lui propose tellement certaines choses qu'il active. Comme le business, comme le projet. Comme le projet. Mm-hmm. Parce que quand il vient, ce n'est pas tout le monde vient. Parce mm-hmm. qu'il faut bien d'abord étudier la mentalité. Étudier la personne. Mm-hmm. Parce que parfois même tu peux faire comme ça en même temps là. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a d'autres qu'on lapide même. Mm-hmm. À l'instant, on les lapide. Oui. Donc il faut avoir beaucoup de stratégies. Mm-hmm. Parce qu'il y a des machines qui fabriquent l'argent. Oui. Ils montent ces machines-là. Mais c'est dans un cadre, c'est fermé dans un angle. Oui. Donc c'est le dernier cartouche quand même. Il dit que bon, on va multiplier l'argent. Mm-hmm. On va multiplier ton argent. Oui. Si tu as besoin, on multiplie ton argent. Maintenant, ils ont des stratégies pour atteindre ces niveaux-là. Oui. Maintenant, on fait comprendre à vous, monsieur, que non. C'est du vrai. Mm-hmm. Parce qu'on vient avec le vrai. Oui. D'abord, pour mm-hmm. jeter la maçon. La maçon. C'est dans ce vrai-là que on te tue. Mm-hmm. On prend c'est le vrai que mm-hmm. tu as. Pour te donner le faux. Le faux. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on appelle prélèvement. Oui. Non, c'est ça, tout ça qu'on appelle. C'est tout ça, c'est tout ça. Donc c'est la drague. Tu penses que quand ils viennent prendre l'argent de quelqu'un, mm-hmm. ils font comment? Ils utilisent quoi? Il y a des gens même qui disent, est-ce qu'ils blaguent? Ils utilisent même le code. Ils prient avant de partir. Ils ne priaient pas possible. C'est des gens qui me gênaient. Mm-hmm. Les gens qui me gênaient. Ils jettent pour que les choses marchent bien. Oh, ils disent que c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est terrible. Les Nazis font de l'adoration. Ils peuvent prier toute la journée, la nuit. Parce qu'il y a rendez-vous le matin. Que Dieu brille les pistes pour que le monsieur là ne se concentre pas sur les choses, que ça marche bien, pour qu'il le frappe bien. Il le frappe bien. Que Dieu le bénisse. Donc à 5h, tu te lèves, tu portes ton truc. Il y a le feu dans le cœur. Oui. Je me lave maintenant. Non, je suis devant. Tu commences à dire. Je me laisse supprimer. Nous ne sommes plus ensemble. Maintenant là. Donc ça veut dire que si nous vivons pas, c'est ton problème. Je suis devant pour première m'assembler. Quand la femme m'a pris là, j'étais. J'étais tôt à l'église, générateur gain. Aucun enfant, générateur pas, frère, générateur pas. J'étais toujours là. Tu avais une soif. Au fur et à mesure, ça te comblait. Oui, j'étais vraiment une soif. Et je vais témoigner encore un truc qui s'est passé entre lui et moi. Sincèrement, le jour que le Saint-Esprit m'a saisi par rapport à lui, c'est là où il dit vraiment que dans le bateau, Dieu cherche une personne. Une personne. Et il te pêche. Le frère là, Dieu l'a utilisé toujours pour moi. Lui ne lui parlait pas, c'est toujours moi. C'était à toi. Et moi, je lui répondais mal comme ça. Et ça, est-ce qu'il ne se décourageait pas? Il s'appelle. Il faut comprendre. Il est nerveux même avec ça. Et c'est comme ça le jour où le Saint-Esprit m'a saisi par rapport à lui. Mm-hmm. J'étais couché comme ça, très sur le matin. Il fait, non, lève-toi, il faut qu'on se sépare. Il a dit quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais. On a fait 10 ans. Oui. Des hauts et des bas. 10 ans. Mais pour que ça, on a fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain comme ça. Mm-hmm. Découper comme ça d'un seul coup. Comme ça. Mm-hmm. Il faut que ça soit de l'esprit. Il faut que ça sorte de l'esprit. Mm-hmm. Et sincèrement, ce qui se produit quand j'étais malade, c'était ça. Mm-hmm. Le Seigneur fallait cette brutalité. J'ai tout pensé. Parce que même quand bien, je dis oui, après ce n'est pas ça. Oui. Ce n'était pas facile pour moi. Mmh. Puisque c'est une alliance déjà. Spirituelle. C'était une alliance spirituelle déjà. Mmh. 10 ans. Mmh. Jour pour jour, 10 ans. Donc, c'est quelque chose, cette année, ça fait 10 ans. Mmh.

C'est comme ça qu'on arrive. Il me dit que allons chez Colette. Comme Colette la voulait à mort. Elle-même comme cela. Nous tous sommes mélangés, c'est lui-là. Je t'ai dit, on n'arrive pas pour. Parce que là-bas, on ne dort pas aussi tôt. On a, parce que sans les concessions, il y a les barrières. On a toujours. Ma copine, parce que dans le monde, on s'appelle copine. Copine, copine, copinette. Alors que c'est l'hypocrisie. Attends, pendant le temps qu'il est en train de saluer, la fille, moi, si j'ai parti, je t'aurais pu jeter là-bas. Elle n'a jamais su jusqu'à quelle zone qui était là. Donc, quand ok, ils avaient les toilettes pour le traditionnel. Oui, traditionnel. Mais elle est très propre. C'est comme ça qu'on peut, je parle maintenant, tout que c'est ouvert. Parce qu'on fait avec le cabinet. Oui. Je jette l'enfant là. En même temps qu'il a donné distrait la fille. On avait jeté l'enfant là. C'était un bébé, 6 mois, c'était un bébé. Oui. Six mois, oui, c'est quand même déjà grand. Non, c'était un bébé, une fille. Plein de cheveux partout. C'était une fille. C'est comme ça qu'on quitte encore la cour. Il a dit que ne perdons pas le temps ici. Ah non. On quitte maintenant le lendemain. Alors j'ai fait encore peut-être 2 jours. Parce qu'on se disait que. Parce que le médecin disait qu'il faut qu'on presse. Pourquoi il a coupé le placenta? C'est lui qui a coupé le placenta. Lui-même. Non, là, c'était pas le placenta. Oui. Après. C'était quoi? Dès à 3 jours, je commence à sentir une douleur pas possible. J'ai cru de la mort. Vous me dites, il y a quoi même? On part maintenant au tube. À l'hôpital. Alors, vous allez à l'hôpital? Oui. On nous dit que, ah, il y a le placenta dans le ventre. Il est étonné. C'est quel placenta? Comment l'enfant est sorti sans placenta? Mais, quel placenta? Je monte sur la table, on me fait le cueillage. Le placenta se voit donc dans le plateau, plein de sang. Oui. Je pars encore. Il y a beaucoup de choses. Oui. Je pars, on rentre à la maison, ça ne va pas. Mais les gens là n'ont pas porté plainte que tu as eu l'enfant, tu as avorté. Non, ils n'ont pas porté plainte parce que quand tu arrives, on sait que tu as avorté, tu ne peux pas mentir. Mais j'avais menti. Mais ils savaient que c'était l'avortement. Parce qu'un médecin sait. Il sait. Mais j'avais dit que c'était une fausse chute, mais le médecin savait. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quand vous arrivez dans les pays étrangers, hein, je comprends que Dieu aussi est là pour les étrangers. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Même si tu es en face d'un médecin qui est criminel, Dieu va t'épargner. S'il ne faut pas que tu vas mourir, il ne faut pas mourir. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, il m'a posé des questions, mais il souriait. Il m'a dit que non, ce n'est pas la fausse chute, tu as avorté. Quand tu as un chien, tu as un bout de signe. Ça, c'est ma clé. Mais c'est ma clé. Justement. Oui, c'est comme ça qu'on quitte encore là. On rentre à la maison. La douleur. Douleur n'est pas douleur. On rentre encore. Toi, on enlève encore le placenta. Le placenta qu'on enlève. Attends. On dit que le placenta n'est pas quitté. Alors qu'il a enlevé ça sur la table. Oui, il a enlevé ça sur la table, déjà. Il me dit maintenant qu'allez faire. Attends, oui, donc quand vous allez à l'hôpital là, il a enlevé. C'était là dans le plateau. Dans le plateau. Oui. On quitte maintenant là que maintenant ça ne va pas. Maintenant, quand on revient, il nous envoie faire l'échographie. La clinique là. Oui. Clinique là, on appelle ça dédié. Clinique de Dieu. Clinique de Dieu. De Dieu. J'ai jamais oublié le nom là. Clinique de Dieu. De Dieu. Oui. Clinique de Dieu. De Dieu, j'ai jamais oublié le nom là. C'est là où tu es passé, oui. On arrive maintenant, le monsieur ici, il appelle Petit Père, il dit, ah, mais monsieur, vous dites que le placenta, pas le placenta, il va Petit Père, c'est pas possible. Quel placenta? Il dit, mais le placenta n'est jamais sorti de son ventre. Alors qu'on a enlevé, vous avez vu. Mais il a dit, voilà, ça va le placenta qui est dans son ventre. Il me demande que, mais pendant comment c'est temps, comment tu as vécu, il dit, je ne sais pas. Attends, là, parce que quel est même des placenta dans le ventre humain. Oui, mais je voulais demander l'état entre l'écart entre l'enlèvement du premier placenta. Oui. Ça n'a pas fait une semaine. Une semaine. Oui, le premier placenta, ça n'a pas fait 2 jours. Oui. 2 jours, c'est beaucoup. J'ai commencé à sentir les douleurs. Oui. Le médecin, le docteur, il dit que non, il y a le placenta. Oui. On me fait le culottage. Oui. On enlève, on voit ça dans le ventre. Toi, tu as vu? J'ai vu. Le petit sorti doit aller dans le ventre. On essaie pas. Lui, il a encore enlevé. Mais c'est spirituel. Lui, il a encore enlevé. On parle maintenant de la clinique là. Oui. Je viens avec les papiers d'écho. Oui. Même le médecin est étonné. Oui. Il dit, mais madame, vous avez quel problème? Oui. Mais il avait l'entrée de paniquer, il pleure. Il est sorti avec l'enfant et puis, il ne faut pas qu'elle meure ici. Oui. Mais c'est quel problème ça? C'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça qu'il me pose encore sur la table. Ah, c'était la mort. Quand il me pose sur la table, je tombe évanoui une fois. À l'instant. Le sang, tu peux. C'est comme ça qu'on appelle l'ambulance à le plus grand hôpital. Mmh. Parce qu'il s'appelle maintenant, il n'y a pas d'ambulance, il devient fou. Mmh. Il dit, c'est pas possible. Il dit qu'il n'y a pas d'ambulance dans un hôpital. Il court. Parce que j'étais parti. Mmh. Il court maintenant parce que tout ce que je ne savais pas, j'avais perdu connaissance. Mm-hmm. Ils m'ont pris ouvert toutes les fenêtres. Mm-hmm. Ce qu'ils disaient, j'étais allongé là. Mm-hmm. Je ne faisais que crier comme un mec. Il court pas prendre le taxi, je dis jamais. Je ne peux pas permettre, je ne peux pas prendre le taxi. Je ne peux pas. Eh, avec 1000 francs sur lui. 1000 francs, c'est pas. C'est comme ça qu'il a. Il a eu le taxi qui est dans ce moment que je n'ai pas d'argent. Et là, il m'a dit, comment il m'a dit. Donc, je suis là. Mais moi, je mets en même temps. Mm-hmm. Le taxi m'a dit, le taxi m'a aussi. Je dis même que Dieu était sur mon. Que tout mon parcours. Oui. On en a le taxi plein de sang. Mmh. Quand on arrive, il lui dit, ne paye pas. Moi, je vais mettre le sang. Première fois que j'en ai le brancard. Oui, j'en ai le brancard, je n'ai pas de force, je ne peux pas parler. Tu entendais souvent le bruit, tu entendais souvent le bruit. Deux semaines, oui. Et regardez. Il n'était plus rentré, jamais rentré à la maison. Vous êtes directement à l'hôpital. Jamais rentré. Il est resté là, il sentait. Comme un bout. Mmh. Et je suis sans tête. Il dit jamais. Si tu es là une minute, même le médecin n'a pas été injecté, tu meurs. Mmh. C'est comme ça que je suis resté là. Mmh. On arrive. Plup. On m'amène dans la salle de l'accouchement. Voilà aussi les femmes qui ne valaient pas l'accouchement. Mmh. Moi aussi, écrit ma part de douleur. Mmh. Je vous assure que c'est moi, je sais que c'est Dieu qui envoie cette sage femme. Mmh. Venez me libérer. La sage femme a dit, c'était une vieille femme. Mmh. Elle dit, ma fille, tu cries quoi depuis? Alors, c'est quand tu as dit, paye la première ordonnance, il n'a pas l'argent. Mm-hmm. On lui dit d'abord, dehors, il faut les médicaments. Les médicaments, le carton. Il dit, je veux prendre l'argent. Il sort, il devient fou, il dit jamais. Il tape ça, il avait deux portables, deux grands portables. Il est parti d'abord vendre. Il quitte maintenant, il t'appelle Cameroun, quand Cameroun. Ok. Le dehors, c'est le Texas. C'est le Texas. Il se lève maintenant pour il se partage. Je vois maintenant le carton qui entre les médicaments. Mm-hmm. On me met sous perfusion, c'est comme ça, perfusion coule seulement par le sang. J'ai cru, oh, je vais mourir, oh. Mais j'ai vu la mort là, frère, quand une personne va mourir, mm-hmm. c'est qu'il va mourir. J'ai vu la mort là, il me dit, je vais mourir, oh, moi voici qui part, oh. Je n'étais plus sur terre, je voyais les gens, les esprits, mm-hmm. qui venaient me parler, les mauvais esprits qui venaient me prendre frère à l'hôpital, je suis couché, je vois les mauvais esprits. Et c'est souvent comme ça, souvent les gens crient à l'hôpital, on croit peut-être qu'il est lucide. Alors que tu as dit ça. Je suis en train de mourir, venez au secours, je suis en train de mourir. J'ai pas les gens, voilà les esprits de mort qui viennent me chercher. C'est comme ça que j'ai crié dans la salle d'hôpital. Mm. Les autres qui étaient là n'avaient pas égard à moi. Voilà la sage-femme qui entre, je vous assure. Elle a pris seulement la direction là où j'étais. Mm. Elle n'a pas regardé les autres femmes. Elle dit, ma fille, pourquoi tu cries? Elle dit, n'écris plus rien. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, elle tape, on va pas, elle dit, il y a le placenta dans le ventre. Sans regarder dans un appareil. Sans regarder dans un appareil. Tu ne vas plus jamais oublier. Je n'ai jamais oublié la parole de cette femme. Mm-hmm. Je dis, tu sais, tu vas vivre longtemps sur terre. Mm-hmm. Deux jours, un jour, tu montes. Tu peux pas. Dès qu'elle a tapoté, elle dit, le placenta dans le ventre. Elle dit, tu vas supporter. Elle est venue avant le coup. Tu vas gratter. Tu ne peux pas voir ce qui est sauté dans mon ventre. C'est devenu comme ça, c'est pas noir. C'était noir. Et tu supportes, faut que, parce que si un seul reste débris, ça va te pourrir le ventre. Ça va te pourrir le ventre, tu vas mourir. C'est comme ça que j'ai supporté. Et j'ai crié en l'air. Ah, attends, les autres personnes ne te regardent même pas les autres. Non. Elle était venue pour moi. Mm-hmm. C'est comme ça que la lèvre, la douleur, mm-hmm. a envoyé tout ça. Si elle m'a dit une parole, tu ne mourras. Parce que si tu as parvenu à traverser ceci. Elle m'a posé la question, je lui ai aussi menti, mais tu me demandes pourquoi ma fille. Ça, c'est la photo. Mm-hmm. Elles connaissent. Pendant tout ce temps, comment tu as vécu jusqu'à présent? Tu ne vas jamais mourir. Comme ça. Tu vas terminer ça. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on quitte maintenant là. On m'enlève, on m'entraîne dans une salle. Mm-hmm. Ouais. Ah. Je suis là dans la salle. Chaque jour, perfusion, chaque jour, injection, chaque jour, perfusion. Lui-même était encore plus que le médecin. Mm-hmm. Il ne piquait pas ici, il ne faisait pas comme ça, il laissait la veine là. Il mm-hmm. souffrait beaucoup. Voilà, ma chaîne. Parce qu'il fallait qu'on remplace le sang. Mm-hmm. Parce que dans le monde, je ne sais pas que lui, j'avais perdu extrêmement de sang. Mm-hmm. Maintenant, c'est lui qui courait maintenant parce que les pots de sang sont vraiment gros là, mm-hmm. c'est costaud. Mm-hmm. Et maintenant, il était déjà ami, abonné, il était donc. Avec les amis. Mm-hmm. C'est lui-même qui partait pour chercher. Les sang de il dit que mais comment ça se fait que vous avez le sang facilement? Il dit, je ne sais pas. Donc il dormait debout comme à ça. À côté. Mm-hmm.